page arrachée à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Premier épisode. L'enfance. Goliarda Sapienza est une figure atypique de la littérature italienne. Née en 1926 en Sicile, dans une famille de révolutionnaires socialistes, elle traverse le XXe siècle en dessinant un chemin de vie véritablement extraordinaire. Très tôt comédienne, résistante pendant la guerre, elle devient dès 1945 une figure du théâtre italien, jusqu'à être comparée à une nouvelle Sarah Bernhardt et à se lier avec Visconti. Mais, dans les années 50, elle quitte les planches, abandonne son métier de comédienne pour se dédier à l'écriture et gagner sa liberté. Pour cela, elle va prendre tous les risques, allant jusqu'à se réduire à la pauvreté et écrivant dans la plus grande solitude, puisque l'essentiel de son œuvre ne sera connu qu'après sa mort. Ces extraits de textes ici choisis dessinent un chemin de vie qui suit le parcours d'une existence tumultueuse. Goliarda Sapienza ne fut véritablement redécouverte qu'en 2005, lors de la parution en France de son grand roman L'Art de la Joie. C'est donc par ce texte qu'il fallait commencer. Le premier extrait qui va vous être présenté est tout simplement l'ouverture du roman, où l'on découvre Modesta, véritable alter ego de Goliarda Sapienza, dans ces montagnes de Sicile, sur les pentes de l'Etna, à la recherche du plaisir et de la vie. Et voyez, me voici à 4-5 ans traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres, ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue, jusqu'aux chevilles. Mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été, sans rien altérer. Donc, je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrais dans le grand trou du mur que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve, à présent, dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives. Pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère. Ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourds voiles noirs sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe de deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle la suivit toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait. Elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras et la caresse sans rien dire. Pendant des années, je l'avais entendue hurler ainsi sans y faire attention, jusqu'au jour où, fatiguée de traîner ce bois, m'étant jetée par terre, je ressentis à l'entendre crier comme une douceur dans tout le corps. Douceur qui bientôt se transforma en frisson de plaisir, si bien que peu à peu, tous les jours, je commençais à espérer que ma mère sorte pour pouvoir écouter l'oreille à la porte des cabinets et jouir de ses hurlements. Quand ça arrivait, je fermais les yeux et j'imaginais qu'elle se déchirait la chair, qu'elle se blessait. Et ce fut ainsi quand, suivant mes mains poussées par les hurlements, je découvris, en me touchant là d'où sort le pipi, que l'on éprouvait ainsi une jouissance plus grande qu'en mangeant le pain frais, les fruits. Ma mère disait que ma sœur Tina, la croix que Dieu nous a justement envoyée à cause de la méchanceté de ton père, avait 20 ans. Mais elle était grande comme moi, et si grosse qu'on aurait dit, si on avait pu lui enlever la tête, la malle toujours fermée de mon grand-père, qui avait été marin. Un damné plus encore que son fils. Quel métier c'était que celui de marin? Je n'arrivais pas à le comprendre. Tutsu disait que c'était des gens qui vivaient sur les bateaux et allaient sur la mer. Mais qu'est-ce que c'était que la mer? On aurait vraiment dit la cantine de notre grand-père, Tina. Et quand je m'ennuyais, je fermais les yeux et lui détachais la tête du corps. Si elle avait 20 ans et était une femme, toutes les femmes à 20 ans devaient sûrement devenir comme elle ou comme ma mère. Pour les garçons, c'était différent. Tutsu était grand et il ne lui manquait pas de dents comme à Tina. Il les avait fortes et blanches comme le ciel d'été quand on se lève tôt pour faire le pain. Et son père aussi était comme lui, robuste et avec des dents qui brillaient comme celles de Tutsu quand il riait. Les cris ont cessé. Notre mère est sûrement rentrée et fait taire Tina en lui caressant la tête. Qui sait si maman a découvert elle aussi qu'on peut éprouver tellement de plaisir en se caressant à cet endroit? Et Tutsu, qui sait si Tutsu le sait? Il doit être en train de ramasser les roseaux. Le soleil est haut. Il faut que j'aille le chercher et l'interroger sur ses caresses. Et il faut aussi que je l'interroge sur cette mer. Y sera-t-il encore? La lumière me fait brûler les yeux. Toujours quand je sors de la pièce, la lumière me brûle les yeux. Quand j'entre, par contre, l'obscurité m'aveugle. La grosse chaleur est retombée et les montagnes sont redevenues noires comme les cheveux de maman. La boue s'est asséchée en quelques heures, le vent s'est asséché, la canaie est immobile et ne crie pas comme hier. Il faut bien regarder, là où les roseaux bougent, là se trouve Tutsu. Fais-tu là, comme une crétine? Tu regardes les mouches? Je te cherchais. Et je ne suis pas une crétine. Je te cherchais. Tu as fini? Je n'ai pas fini. Je me repose. J'en profite pour me fumer une cigarette. T'es aveugle ou quoi? En plus d'être crétine comme ta sœur. Tu vois pas que je suis étendu à l'ombre et que j'ai une cigarette à la bouche? Tu fumes maintenant? Je ne t'avais jamais vu fumer avant. Bien sûr que je fume. Depuis 2 jours. Il était temps, non? Il se taisait maintenant. Et il ôtait la cigarette de sa bouche. Il ne parlerait plus. Toujours, quand il fermait la bouche, Tutsu ne l'ouvrait plus pour des heures, comme disait son père. Et s'il faisait ça avant, qu'est-ce que ce serait maintenant qu'il fumait? Et comme il était grand, ainsi étendu, il avait grandi ou c'était la cigarette qui le faisait paraître plus grand? Comment puis-je lui parler maintenant qu'il est devenu aussi grand? Il me rira à la figure et il dira que je suis une petite crétine, comme toujours. La seule solution était de s'asseoir près de lui et de rester immobile. Au moins, je pouvais le regarder. Et je le regardais longuement. Et je le regarde maintenant. Son visage noir de soleil était comme entaillé de 2 blessures immenses et claires. Ce n'était pas là des yeux, qui pleuraient une eau bleue. profonde et fraîche. Je regardais le mouvement sûr avec lequel il portait à sa bouche la cigarette et puis l'enlevait comme faisait son père. Cette sûreté de mouvement me fit trembler. Non, il ne me parlerait plus. Et peut-être ne me permettrait-il même plus de le regarder. Le froid devint si fort à cette pensée que je dus fermer les yeux et m'étendre, parce qu'aussi la tête me tournait, comme cette fois où j'avais eu de la fièvre. Je fermai les yeux dans l'attente de la condamnation. Il ne me permettrait même plus de le regarder. Qu'est-ce que tu fais ? Mes cassottes ? Tu dors ? Non, je ne dors pas. Je pensais. Ah, parce qu'en plus tu penses, toi. Mais cassotte que t'es avec tes pensées, tiens. Et à quoi pensais-tu? On peut avoir l'honneur de le savoir. Je pensais te demander... Quoi? Eh ben, parle. On dirait une poule à qui on va tordre le cou. De quoi s'agit-il? Parle. Oh, rien, rien. Je voulais te demander ce que c'est que la mer. Et aller avec cette mer, entêtée que tu es. 100 fois, je te l'ai expliqué, 100 fois. La mer est une étendue d'eau profonde comme l'eau du puits qui se trouve entre notre ferme et cette masure qui est votre maison. Sauf qu'elle est bleue et qu'on a beau tourner les yeux dans tous les sens, on ne peut pas voir où elle finit. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu es sotte. Et même si t'étais pas sotte, les femmes, comme dit mon père, depuis que le monde est monde, ne comprennent rien à rien. Pas du tout. Je comprends, moi. Une eau profonde, comme celle du puits, mais bleue. Bravo. Félicitations. Alors lève-toi et regarde autour de toi. Tu la vois, cette plaine marécageuse? Comment s'appelle cette plaine, hein? Voyons si tu es digne d'apprendre. Cette plaine s'appelle Plaine du Bœuf. Voilà. La mer est une plaine d'eau bleue, mais sans les montagnes de lave que nous voyons là au fond. Quand on regarde la plaine de la mer, on ne voit rien au fond. Rien qui bloque la vue. Ou mieux, on voit une ligne toute mince qui n'est rien d'autre que la mer qui se mélange au ciel. Et cette ligne s'appelle l'horizon. Un homme occupe une place très particulière dans la vie de Goliarda Sapienza. Il s'agit d'Angelo Maria Pellegrino. Cet homme, qui fut le dernier compagnon de Goliarda Sapienza lorsqu'il n'avait qu'une 30aine d'années, fut celui qui l'accompagna jusqu'à la fin de la rédaction de L'Art de la Joie, et qui l'édita après sa mort. Dans le témoignage qui suit, il revient sur les premières années de vie de Goliarda Sapienza et sur l'importance qu'eut son enfance dans la maturation de son œuvre. Le portrait d'un écrivain ne peut éviter la description de ses années de formation. Dans le cas de Goliarda, les années qui comptèrent le plus furent celles de son enfance, jusqu'à 10 ans, beaucoup plus que celles de l'adolescence. Et ça pour une raison simple. Elle était née dans une famille de militants socialistes et elle fut précocement obligée de quitter l'école quand celle-ci tomba sous l'emprise du fascisme. Ainsi, Goliarda se forma autrement. À 12 ans, en plus d'avoir déjà appris à tirer et boxer, elle avait lu tout Dostoïevski, tout Tolstoï et Les Misérables. Mais la vraie formation de Goliarda se déroula ailleurs qu'à la maison, dans les ruelles de San Berillo, quartier populaire de la vieille ville de Catane, où se trouvait la demeure familiale et le cabinet d'avocat de son père. Et là, elle commença très tôt à descendre dans la cour et à jouer avec sa demi-sœur, Mika. Il faut dire que le père de Goliarda, qui était veuf et avait eu 3 fils de son premier mariage, avait de plus reconnu plusieurs enfants naturels, dont Mika. Et puis Goliarda a pris l'habitude de franchir le grand portail de l'immeuble et de filer dans les ruelles avoisinantes. Le quartier pullulait d'une vie bariolée qui allait des artisans les plus habiles, faussaires compris, aux habitués des bars malfamés, aux chanteurs ambulants, aux prostituées, aux conteurs des traditionnels théâtres de marionnettes, l'opéra dei pupi, où Goliard a commencé à travailler. À San Berillo, elle a appris aussi à saler les anchois, à empailler les chaises, à jouer dans les théâtres populaires, toujours en suivant les convictions socialistes de son père, qui prescrivait l'apprentissage de nombreux métiers. Catane et ses ruelles, ses prostituées, ses indigents, c'est dans ces rues que Goliarda a grandi. Et parmi tous les gens qu'elle a rencontrés à ce moment-là, et qu'elle décrit dans Moi Jean Gabin, un tient une place très particulière, le Comandatore Insanguine. Cet homme fut probablement celui qui l'initia au plaisir de l'imaginaire. Dans l'extrait qui va suivre, Goliarda Sapienza, alias Jean Gabin, nous parle de sa rencontre avec le Comandatore Insanguine et comment cet homme qui fabrique des marionnettes vit dans une époque qui est déjà révolue, le questionnant sur son travail, sur ses marionnettes qu'il fabrique et qu'il refait vivre chaque semaine. Elle va lui poser une question toute simple qui la trouble. Comment se fait-il, Comendator, et que les mains se ressemblent tant? Il s'agit toujours des enfants du même père. C'était vrai. Mais il y avait là-dessous quelque chose de mystérieux qu'il ne voulait pas dire. Étant donné que tu veux vraiment tout savoir, il y a une raison. Une raison profonde, personnelle, et qu'il ne serait pas opportun de déballer comme ça au premier venu. Je m'étais presque vexée de ce premier venu. Quand lui, s'apercevant de mon changement d'expression, ajouta rapidement comme pour s'excuser. Oh, je ne dis pas que tu es une étrangère ici. C'est juste que, même si tu t'es entichée de nos spectacles, tu n'es pas vraiment... Comment est-ce que je peux dire? Ben, tu ne fais pas partie de notre mystère. Mystère? M'entendis-je dire désespérée? Eh oui. Le mystère de l'art, Pichounette. Tu es destiné au futur, Goliarda. À des entreprises, à des arts différents. Tu n'as rien à voir avec notre mystère. Nous, notre langue et nos histoires sont destinées à mourir. Mais certaines choses, vu que tu es une fille de fidélité et de souvenirs, je veux te les dire. Sur les mains aussi, Comendator? Aussi, mais doucement, avec calme. Tu vois comme tu presses le temps, tu veux courir, tout savoir, tout attraper d'un coup. Je ne te le reproche pas, mais par la logique du temps, tu t'es détaché de nous et tu t'en détacheras de plus en plus. C'est le destin. L'histoire le veut. Tu es né quand déjà les automobiles filaient vertigineusement dans ces vieilles rues étroites, quand le ciel avait déjà été blessé par les ailes impitoyables des aéroplanes, quand... Pour avoir un soleil comme de jour, il n'était plus besoin d'attendre toute une nuit, mais il suffisait de tourner un petit interrupteur. Tu ne le croiras pas, mais pour les gens comme moi, tout cela plonge encore dans l'étonnement et la confusion. Je pleurais presque. Ou était-ce la poussière dans mes yeux qui me faisait pleurer? Cette voix pressentait sa mort, celle de mon père et de Maria, et peut-être de mes frères et sœurs. Eux aussi étaient tellement plus grands que moi. Carlo, qui était le plus jeune, était déjà un adolescent à ma naissance. Et Nunzio? Oh non, Comendatore, je vous en prie. Ne parlez pas ainsi. Vous et Maria ne devez jamais mourir. Que disions-nous, Goliarda? Ah oui, nous parlions des marionnettes et du milieu dans lequel elles sont destinées à mettre en acte leur passion. Moi, comme mon père et mon grand-père, je sculpte leur visage. Et dans leurs traits, je fais en sorte qu'on entrevoie leur âme. Comment est-ce que j'ai appris ça? Avec l'œil et le souffle, en épiant jour après jour le souffle et les pensées de mon père quand il faisait les mêmes gestes, en écoutant le battement de son cœur, quand... Mettons, il colorait un grand œil étoilé. En respirant la sueur de ses muscles, quand, avec effort, il poussait les marionnettes sur la scène et les faisait marcher. Et les mains, Commendator ? Pourquoi est-ce que toutes les mains de vos marionnettes se ressemblent ? Tu ne te résignes pas à ne pas tout savoir. Eh, Pitchounette ! Bien, c'est un signe d'intelligence. Et je veux la satisfaire, cette intelligence. Ça, c'est mon défaut comme sculpteur. Mais c'est un défaut d'amour. Et comme on sait, avec l'amour, on ne raisonne pas. C'est la faute de la flèche qui m'a frappé il y a bien longtemps, tandis que je sortais de cette boutique pour aller boire un coup au coin de la rue, chez oncle Moulet, le Turc. Ah, ici, tout près ? Juste ici. Qui se serait attendu à recevoir un coup mortel dans sa propre maison, sur le trajet familier des pavés qui connaissent tes pas depuis quand tu étais enfant ? Juste à l'angle de la rue, près de la fontaine du Dragon et la grande entrée du palais Muzumeci, celui avec les deux maures pour colonnes qui soutiennent tout le premier étage, je vis les mains les plus belles qu'esprit humain puisse imaginer. Posées avec grâce et calme royal sur le bord d'un panier plein de vêtements lavés, repassés et parfumés de toutes les fleurs d'oranger de la canne. Ces mains, si possible, étaient plus blanches et délicates que le lin des mouchoirs et des chemises que cette fille portait dans ce panier, appuyée sur sa hanche, comme si elle enlaçait pour le soutenir son trésor, l'autre main posée dessus pour le protéger. Elle ne fit rien, elle. Elle resta, juste un instant, devant moi. Là, comme tu le sais, la ruelle se resserre. Ou c'était elle qui passait, ou c'était moi. Moi non plus, sur mes gardes, je ne fis rien. Mais la flèche d'amour, comme un éclair rapide, tomba du ciel et m'enserra dans un étau. Je ne pouvais plus bouger, comme envoûté par ses mains. Et je n'eus pas de paix jusqu'à ce qu'elle soit devenue mienne pour toujours. Colombe à contempler dans les nuits de lune. C'est ainsi qu'arrivant aux mains d'une de mes marionnettes, qu'aucun ou honnête homme qu'il me soit venu de la sculpter, et même si je sais que c'est un homme que j'ai fait, qu'il soit lâche ou valeureux, une fois arrivé aux mains, il n'y a que la taille qui peut changer, voilà que ce sont toujours ses mains qui réapparaissent dans le bois sans que mon esprit puisse rien faire pour corriger cette disposition de l'âme qui me possède depuis 30 ans. C'était Page arrachée à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Traduit de l'italien par Nathalie Castagnier. Avec Nora Krief, Modeste. Ivan Corbino, Tutsu. Corrado Invernizzi, Angelo Pellegrino. Garance Clavel, Goliarda. Georges Kless, Le Commendatore. Et la voix de Cristina Scagliotti. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Armang. Claude Nior. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laurence Courtois. L'art de la joie, moi Jean Gabin, de Goliarda Sapienza, et Goliarda Sapienza d'Angelo Maria Pellegrino sont parus aux éditions Les Tripodes.